Cours numéro 26. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأون كونتينو لتود هذه الرسالة المختصرة النافعة الأصول من علم الأصول للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. انتهينا دون لو درس بريسيدون من بابين مهمين دو باب دو شابيت تري تري امبورطون الترتيب بين الأدلة اي المفتي والمستفتي. قال رحمه الله تعالى الاجتهاد, وهذا الباب سي الثمرة de tout ce qu'on a étudié auparavant. فثمرة هذا العلم أي علم أصول الفقه c'est pour atteindre ce niveau de l'ijtihad. أي si celui qui décide de se consacrer à l'étude du fiqh, il doit أولا apprendre هذا العلم, علم الأصول, خاصة s'il va atteindre مرتبته الاجتهاد. أما celui qui veut apprendre comment faire salat, comment faire l'oudou et la akhiré, c'est pas une obligation d'apprendre ilm al-usul. لكن ilm al-usul, c'est un outil très très important. C'est min uloum al-ala. وهذا العلم, il permet au talib de pouvoir s'écarter du taqlid. الاجتهاد, c'est pour ne pas faire de taqlid, pour ne pas suivre aveuglément, pour ne pas prendre un avis sans connaître un dalil. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a conclu هذه الرسالة avec ces deux chapitres, الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد, c'est le fruit. Et التقليد, c'est celui qui n'a pas ce fruit, celui qui n'a pas compris هذا العلم, forcément ça sera un muqallid. Il ne saura pas pourquoi tel savant il a choisi هذا القول. Il ne saura pas comment faire عند الخلاف. Si les savants ils divergent, هذا يقول مثلا cette chose c'est permis, un autre savant il dit c'est pas permis, il ne saura pas comment faire. لماذا لأنه il n'aura pas cet outil très très important. هذا العلم c'est un علم مهم. وتقدم معنا أن الطالب علماء السنة يكونسي أنه لا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. On ne délaisse pas هذا العلم totalement. لأن c'est un outil très très important pour comprendre, خاصة علم الفقه. Et كذلك, on ne perd pas notre temps et notre talab, c'est que ce علم. Et نتوسع فيه, أي étudier des livres qui sont très très détaillés. Et l'occupation du talab, ça devient que ce علم. هذا كذلك, c'est pas طيب. لأن ça reste un outil. C'est comme un نحو, ça reste un outil. Et بعض العلماء comparent هذه العلوم, علوم الآلة, à du sel par rapport à la nourriture. La nourriture, c'est ce que tu as besoin. C'est العلم. C'est العلم. مثلا علم التوحيد والفقه, etc. C'est primordial, tu en as besoin. بل c'est incomparable avec la nourriture. La nourriture, tu peux t'en passer un moment. أما التوحيد والعقيدة, comment adorer Allah عز وجل إلى آخره, هذا c'est essentiel pour le mu'min. على كل حال, علوم الآلة, بعض العلماء يكمبار à du sel. Si tu en mets trop dans la nourriture, هذا الطعام يفسد, tu ne pourras plus manger cette nourriture. Et si tu n'en mets pas, cette nourriture elle manquera de goût. فهكذا هذه العلوم, le juste milieu. On apprend ce qu'on a besoin. مثلا مثل هذه الرسائل المختصرة الأصول من علم الأصول. Et si on rajoute un deuxième, un troisième livre pour détailler قليلا فطيب ثم, on se consacre à étudier الفقه. لأن الفقه c'est العبادات qu'on a besoin tous les jours, من طهارة وصلاة وصيام وزكاة etc. Donc الاجتهاد c'est الثمرة, c'est le fruit. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعريفه, la définition, الاجتهاد لغة بدل الجهد لإدراك أمر شاق, أي c'est de fournir un effort pour acquérir une chose difficile. Aïe, c'est un effort. Amma fil istilah, aïe, dans notre domaine, huna, badlul jahd li idraki hukmin shar'i. C'est faire un effort pour connaître un hukm shar'i. Il y a une différence avec le taqlid. Le taqlid, ça demande aucun effort. Tel cheikh, il a dit c'est obligatoire, c'est obligatoire. Hada, c'est le taqlid. Si on demande à ce muqallid, c'est quoi le délit? Ou si on lui dit, mais pourquoi un tel minal ulama, il a dit c'est pas obligatoire, c'est mustahab, c'est recommandé, il pourra pas savoir le pourquoi. Et qui c'est qui a raison? Amma l'ijtihad, fa badlu l'jahd li idrak hukm shar'i. Et بعض العلماء, il rajoute, bi tariq al-istimbat. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a cité dans les conditions. Comment faire pour savoir هذا الحكم إدراك حكم شرعي الإدراك c'est le fait d'acquérir, de connaître, de savoir بالاستنباط en étudiant النصوص, les textes et en appliquant les règles qu'on a vues auparavant bien sûr ثم هذا المجتهد il pourra savoir avec الدليل et c'est ça qui est important هنا قال حكم شرعي أي باستنباط بطريق الاستنباط من الأدلة il pourra savoir il pourra connaître هذا الحكم أي ce jugement. Et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il a cité des shurut pour compléter هذا التعريف. قال والمجتهد من بذل جهده لذلك. Donc tu as al-ijtihad, c'est l'effort, et tu as al-mujtahid, c'est celui qui fait cet effort. Aïe, pour connaître al-dalil et pour retirer un jugement de ce dalil. قال شروط الاجتهاد هذا الاجتهاد الى دي شروط دي كونديسيون قال للاجتهاد شروط منها اولا ان يعلم من الادله الشرعيه ما يحتاج اليه في اجتهاده كايات الاحكام واحاديثها دونك الاجتهاد سي فوندي سور الادله القران والسنه سي بور سا ك On fera souvent dans ce dars, inshallah ta'ala, la comparaison avec le muqallid. Le muqallid, il peut citer un hukm, mais il ne connaît pas le texte. Il peut dire telle chose, c'est haram. Pourquoi Cheikh un tel, il a dit? Ça, c'est du taqlid. Le Cheikh, il le suit aveuglément, il peut se tromper, il peut avoir raison. Ça, c'est un autre sujet. Amma al-mujtahid, fa yi'lam min al-adillati al-shar'iyya, il connaît al-dalil. Connaît les preuves. قال ما يحتاج إليه في اجتهاده. Aïe, dans cette mas'ala, où qu'il va faire un effort pour connaître la vérité, pour connaître un jugement précis, مثلاً une mas'ala sur at-tahara, sur l'eau d'eau. Est-ce que c'est obligé de faire telle chose? مثلاً, est-ce que c'est obligé de dire bismillah au début de l'eau d'eau? Il va étudier l'adilla. Il va étudier les versets du Coran. Est-ce qu'il y a un verset du Coran في هذا الباب? S'il ne trouve pas des hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Thumma aqwal as-sahaba, est-ce qu'il y a ijma'? Est-ce qu'il y a nasikh wa mansukh fi hadha al-bab? Et à la fin, il va conclure un hukm, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, et il va citer les preuves. S'il a trouvé un verset du Coran, s'il a trouvé un hadith du prophète sallallahu alayhi wasalam, s'il a trouvé un ijma', et il pourra appuyer aqwal son avis avec aqwal ahl al-ilm. C'est ça l'ilm. Amma al-muqallid, tout cela il ne peut pas. Il va dire, مثلا, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ou le fait de dire bismillah avant de faire l'odo, c'est obligatoire parce que Cheikh Intel il a dit. Si on lui dit, mais Cheikh Intel il a dit, c'est recommandé, il est bloqué, il sait plus comment faire. لماذا لأنه il a pas sept outils. Il a pas sept outils. علم الأصول. Donc, il fait pas partie de المجتهدين. قوله أن يعلم إما يحفظ إما il mémorise ses adillah, il mémorise le Coran, il mémorise beaucoup de hadiths du prophète alayhi salatu wasalam, donc il va utiliser sa mémorisation et c'est pas une condition qu'il mémorise ou pas, l'essentiel même s'il ne mémorise pas, il a la capacité de revenir à ce dalil. Il a la capacité, il sait que ce dalil il existe et il est capable de le citer. Imma sa mémorisation par cœur, imma en revenant au livre. ثانيا لا دوزيام كونديسيون ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. Et ça, c'est important. Il y en a ces conditions, elles sont liées, bien sûr. Il y en a la première condition, c'est de connaître le dalil. Lakin, ce dalil, si c'est un hadith, il y a la deuxième condition. Est-ce que ce dalil, il est sahih, amla? Il y en a, s'il n'est pas sahih, ce n'est pas un argument, ce n'est pas une preuve. C'est pour ça que Ba'd al-Muqallida, ils prennent un avis, ils suivent aveuglément, et ils ont suivi un shir qui s'est basé sur un hadith faible, et ils le suivent aveuglément, et ils disent, na'am, il y a un hadith, le shir, il a un hadith. Lakin, le hadith, il est va'if. Si le hadith, il est va'if, fal qawl, il est va'if. Si le hadith, il est faible, fal l'avis devient faible, automatiquement. Bien sûr, s'il n'y a que ce hadith dans ce point. Donc, an ya'rif ma yata'alak bi sihhat al hadith wa dha'fihi. Et ça nous montre kadhalik le lien entre ulum al-ala. Vous allez voir que dans ces conditions, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité, bien sûr, ilm al-usul. Il a cité huna ilm al-hadith. Par exemple, ilm al-mustalah. Et pour connaître, pour savoir est-ce que ce hadith, il est sahih amla, il y a des outils, des autres ulum. Ay ulum al-hadith. Kadhalik, il a cité, rahimahullah, la science de la langue arabe. Ilm al-lugha. Et hadhihi, kulluha, c'est min ulum al-ala. Donc, ça nous montre un al-faqih. Celui qui veut devenir un mujtahid fil fiqh ou fi ghayri, il doit bien sûr étudier hadhihi al-ulum. Étudier hadhihi al-ulum kulluha. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah fi sharhihi, il a un kalam jamil. Il a cité des exemples tayyiba. Faqala page numéro 674 hadhihi an-nuskha, ce sharh. فمثلا هذا سان اكزامبل بور لا دوزيام كونديسيون ان يعرف ما يتعلق بصحه الحديث وضعفه le fait de qu'il est de la science de savoir différencier entre le hadith sahih et le hadith ضعيف le hadith authentique et le hadith faible قال فمثلا اذا مر عليك حديث بسنده تستطيع ان تحكم عليه صحه او ضعفا pourquoi لان هذا الحديث Bien sûr, Sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une source importante avec le Coran. Donc, dans cette mas'ala qu'il va rechercher, on est dans les conditions de l'mujtahid, donc ça demande une recherche, un effort, il va trouver des ahadiths. Lakin, ce n'est pas tous les ahadiths qui sont authentiques. S'il est dans Sahih Bukhari, ou Sahih Muslim, ou dans les deux, alhamdulillah, c'est qu'il est sahih, c'est ça l'asl. Lakin, autre que sahih, الحديث ليس فقط صحيح يمكن أن قال رحمه الله بالرجوع أولا إلى الرجال هل هم ثقات أو لا أي سي إلى على كاباسيتي إلى إتدي علم الحديث سي الحديث ليس فقط صحيح لا première étape أنه يبقى إتدي la chaîne de transmission أي الرجال les narrateurs Est-ce que c'est des personnes de confiance, Amla? Si c'est des personnes de confiance, قال, ثم هل أدرك بعضهم بعضا أو كان بينهم انقطاع؟ لأنه ربما يكون الرواة ثقات لكن بينهم انقطاع. Ça, c'est important. On a cette chaîne de transmission. Peut-être que tous les narrateurs, c'est des personnes de confiance, لكن بينهم انقطاع. Et ce narrateur, il est de confiance. Et celui qui le précède, il est de confiance, lakin baynahum inqita'. Ay, le premier narrateur, il n'a pas pu rencontrer, il n'a pas pu entendre ce hadith. Mathalan, ils sont de deux époques différentes. Hada, c'est pas possible, même si c'est des personnes de confiance. Ça montre que cette chaîne de transmission, fiha dha'f, elle est faible. Lianna al-inqita' c'est une cause pour rendre le hadith dha'if. Et celui qui a étudié ilm al-hadith, fayalam hada. قال لأنه أو قرأنا ثم لابد من أن ننظر هل خالف هؤلاء الثقات آخرون أو لا فإذا خالفهم ثقات آخرون أرجح منهم صار حديث الثقات شاذا لا يحتج به وهذا سأغيب في الفقه Je peux avoir un hadith, la chaîne de transmission c'est des narrateurs authentiques. Et il n'y a pas d'inqita' en apparence. En apparence, tous les rapporteurs, le premier c'est l'élève du second, etc. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de coupure. Et c'est des personnes de confiance, ben, c'est des imams. Lakin, tu as un autre hadith qui est authentique. Et ce hadith, il montre autre chose. On va regarder Al-Quwa. On va regarder les deux chaînes de transmission et on fera passer la chaîne de transmission qui est plus forte. Et on va se baser sur quoi? On va se baser sur Hifz Al-A'imma, les narrateurs. Si dans une chaîne de transmission, il y a l'imam Malik, il y a l'imam Sofiane ibn Uyayna, il y a l'imam Sofiane al-Thawri, il y a Shu'ba, etc. Ou l'A'imma al-Kibar, qui sont connus pour leur Hifz, ils passeront avant des autres narrateurs qui ont moins de ilm que, moins de hifd que, moins de itqan que. Ils ont moins de mémorisation. Enfin, le ulama, il faut passer celui qui a le plus de mémorisation. Ou ahyanan, c'est par rapport au nombre. Wahed, un narrateur, c'est une personne de confiance. Et il a khalif 5. 5 parmi a'immat as-sunnah. Voilà, à chaque fois, on fera passer la mémorisation des 5. Il y en a celui qui est seul. Il a beaucoup plus de possibilités de se tromper que 5. Oh, certains, s'ils ont un plus haut niveau que lui. Ala kulli hal, hadha sabab ash-shadh. Al-hadith, en apparence, il peut être authentique, lakin il est shadh, ay li mukhalafati al-rawi man huwa awla min, ou ahfad min, ou akthar min. Et tout ça, walillahi alhamd, taqaddam ma'ana dans al-mustalah. قال ثم بعد هذا ينظر إلى المروي المتن هل خالفه ما هو أرجح منه أو لا فإن خالفه ما هو أرجح منه حكمنا بشذوذ ورده بشذوذه ورده وإن كان رجال إسناده ثقات أحيانا c'est le متن le hadith la chaîne de transmission elle est authentique en apparence لكن le متن فيه نكارة أي أو فيه شذوذ plutôt. Al-Nakara, c'est souvent employé pour Al-Za'if. Enfin, on est dans l'Isnad, il est sahih. Enfin, Al-Matn fi Hishudud. Il y a un autre matn qui est plus authentique. Et il contredit le premier matn. Il y a Al-Hal, l'ulama. Al-Matn, c'est le texte. Tu as deux choses. Tu as le texte du hadith. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama l'a'malu bin niyat. Enfin, qawlu Innama l'a'malu bin niyat, c'est un matn. Al-Isnad, c'est. عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ça c'est l'isnad. فتقدم معنا الشذوذ في الاسناد. الان on est في المتن. Il peut avoir شذوذ في المتن. Dans ce cas-là, on fera passer المتن qui n'est pas شاذ. Tout ça pour vous montrer ان cet outil il est très très important. فلهذا قال شيخ ابن عثيمين والحاصل انه لابد أن يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الإسناد وغير ذلك. Ça, ça nous montre ماذا? Ça nous montre أن المجتهد أولا il doit avoir des arguments. Il doit plutôt rechercher des arguments. ثم le fait de rechercher les arguments c'est une chose. Tu peux trouver un hadith, deux hadiths, trois hadiths dans le point que tu recherches. Tu peux trouver des versets du Coran. La deuxième étape, c'est l'authenticité des textes. Al-Qur'an, il n'y a pas de problème. C'est Kalamullah. Et on n'a pas à chercher Sahih ou Da'if. C'est Kalamullah. Et hada, c'est clair. Al-Ahadith, c'est ce qu'on vient de citer. On regarde l'authenticité. Il y a une autre étape, Kadalik, c'est l'istidlal. Et que ce hadith et ce verset, on est clair qu'ils sont authentiques. Lakin, est-ce qu'ils ont été compris avec la compréhension des imams? De la sunna. Hatta le hadith, il n'est pas placé dans autre que l'argument voulu, ce qu'on a besoin. Hada, c'est moi. Donc, tu as trois choses. Tu as dalil. Tu as sihat al-dalil et tu as sihat al-istidlal. Si tu as ces trois choses, bi-idhnillahi azza wa jal, al-insan, il sera capable de comprendre al-hukm. Hada, c'est un short. Il est très très important. On le répète, أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. Et là, chacun a في هذا الحال, on peut et on doit céder des paroles des imams qui nous ont précédés. À immatul hadith, que ce soit ceux de notre époque ou al-mutaqaddimun. Là, ne pas comprendre de Adam, l'insan, il va faire toutes les recherches tout seul sans revenir à Ahl al-Ilm. Là. Même si ta recherche, tu fais une recherche, là, chaque que tu vas citer les kalams de A'im. Et ça, c'est pas du taqlid. L'imam d'Aliana, si tu cites le kalam de l'imam, tu le cites et tu comprends son kalam. Et tu as choisi son qawli annahu. tu as du ilm fi hadhihi al-mas'ala. Et la preuve de cela, c'est qu'ahyanan il y a un khilaf. Mathalan, Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, il rend sahih al-hadith. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah, il le da'af, ou l'inverse. Al-Muqallid, il ne peut pas différencier. C'est un Muqallid, peut-être il va prendre l'avis de Cheikh al-Albani, et il ne sait pas pourquoi Cheikh Muqbil l'a khalif, ou l'axe. Amma, celui qui a étudié hadhihi al-mas'ala, il choisira un des deux qawls et il pourra montrer pourquoi. Mathalan, il va démontrer à l'imam al-Albani, il a cité plusieurs turuq. Cheikh Muqbil il a dha'af, rahmatullah alayhi, et Cheikh al-Albani, il a cité beaucoup de autres hadiths, beaucoup de chaînes de transmission qui renforcent le hadith. Et le tahsin ou le tasrih de Cheikh al-Albani, il a accepté via hadha al-hal. Et il comprendra que d'alik la vie de Cheikh Muqbil. Il a dha'af. Cette chaîne de transmission, ce hadith, non, il est faible, mais avec les autres chaînes de transmission, le hadith, il monte au niveau, au degré du hassan ou du sahih. Voilà. Qala rahimahullah. Al-thalith, an y'arif al-nasikha wal-mansukh wa mawaqi' al-ijma' hatta la yahkum bi-mansukh ou mukhalif lil-ijma' Voilà, il est important. Léna, tu peux avoir un hadith ou un verset du Coran, lequel il est mansoukh, il est abrogé. Si l'insan ne sait pas que ce hadith il a été abrogé, et taqaddam ma'ana, le fait qu'un hadith ou un verset il est abrogé, si le hukm il est abrogé, on ne peut plus l'appliquer. Et on a cité beaucoup d'exemples dans le chapitre du nasikh ou mansoukh. Si hada al-talib ne connaît pas hada, roubama il va s'appuyer sur un dalil min al-Quran ou min al-Sunna qui a été abrogé. Et on ne peut plus l'appliquer. Et hada, c'est clair. Et كذلك الإجماع ومواقع الإجماع. Et peut-être que dans une mas'ala, il y a l'ijma, l'unanimité des compagnons radiyallahu anhum. Tous ceux qui viennent après eux, ils n'ont pas le droit de khalif. L'ijma, c'est haq. C'est pour ça que l'ulama, il le cite fil adilla, c'est un délil. Et c'est la vérité. La tajtami' ummati ala dhalal. Donc, fi hada al-hal, on n'a pas le droit de khalif. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, قال إلى ستا مثال طيب أما الناسخ والمنسوخ on a étudié والله الحمد ce chapitre et on avait cité beaucoup d'exemples فهذا clair أما الإجماع إلى ستا مثال طيب قال فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أوسع العلماء اطلاعا على الخلاف c'est pour ça que نقله للإجماع لمعتبر جدا عند أهل العلم. C'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, quand il cite l'ijma', il donne de l'importance à hadha al-naql. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, rahimahullah. Abadan, il n'est pas infaillible. Lakin, quand il cite l'ijma', ne te précipite pas à le rejeter pour la moindre ambiguïté. Là, l'anna hadha al-imam, il avait un ittila' wasi' dans le khilaf. Il connaissait beaucoup al-khilaf bayna ahl al-ilm. Et tu le vois, hada fi majmou al-fatawa. Ahyanan, il répond à une question et il cite al-madhahib. Al-hanabila, ils ont dit, al-shafi'iyya, ils ont dit, al-malikiyya, ils ont dit, al-ahnaf, ils ont dit. Et il rentre dans les détails et ça montre qu'il avait un ittila' wasi'. Il avait beaucoup de ilm et il connaissait beaucoup al-khilaf. Qala ahyanan yaqul, rahimahullah, hada al-qawl huwa al-haq in kana ahadun qala bih. يعني فإن لم يقل به قائل فهو مردود. Et ça montre أولا العلم la science et ثانيا ça montre الورع. أحيانا il détaillait un sujet parmi les sujets et رحمه الله كان يقول pour moi الحق c'est ça tel avis. ثم أحيانا de temps en temps il faisait cette précision فإن لم يقل به قائل فهو مردود. Et si personne ne m'a précédé dans cet avis, n'acceptez pas cet avis. Pourquoi ? Si personne n'a cité cet avis avant lui, ça veut dire qu'ils étaient unanimes que cet avis, il n'était pas acceptable. Donc si personne n'a dit avant lui, n'a choisi plutôt avant lui cet avis, forcément ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, kana yaqul fa il lam yaqul bihi qa'ilun fa huwa mardud. Et ça nous montre l'importance de faire attention. لأن بعض الناس خاصة au départ quand ils étudient العلم et commencent à connaître ce genre d'outils الأصول والمصطلح et ils sentent qu'ils commencent à pouvoir distinguer certaines choses, comprendre certaines choses, بعضهم ils se précipitent et يظنون أنهم ils font partie de المجتهدين et ils disent des أقوال et خالف الأئمة ils ouvrent un bab char. On fait attention. Même l'insan, s'il atteint au niveau de l'ilm, d'aïman, il revient à ahlul ilm. Hatta, il ne cite pas des aqwal qui khalif ijma' ahlul ilm. Et huna l'ijma', pour bien comprendre, huna l'ijma', ce n'est pas l'unanimité d'un qawl, là. Ta'ammalou. L'ijma' huna, ce n'est pas tous les savants, ils ont dit, et Cheikhoul Islam, il va les khalif, là. Sinon, Cheikhoul Islam ne les aurait pas khalif. Là, huna l'ijma', c'est, mathalan, al-a'imma. Avant, Cheikhoul Islam Ibn Taymiyyah, ils avaient trois avis. Un avis qui disait telle chose, un deuxième avis, une autre chose, un troisième avis, une autre chose. Al-Ijma', c'est ces trois avis. Et inventer, ou plutôt citer un quatrième avis, tu sors de leur Ijma'. Enfin, faut bien comprendre la sourate de l'Ijma'. Falihad Ibn Taymiyyah, rahimahullah, huna qal. Un sujet, et il cite al-Khilaf, thumma huwa ila un qawl. Il a étudié l'imam, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait partie de l'mujtahidin. Bel min kibar al-mujtahidin. Bel depuis son époque, il a yawmina hadha, personne n'a atteint son niveau, rahmatullah alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. Et est-ce que quelqu'un viendra comme lui? Hadha, hadha, Allahu a'lam kadhalik. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir, wa fadlullah wasi'. Ala kulli hal, l'imam hadha, rahmatullah alayhi, il avait un ilm wasi'. Donc, huwa, il y a trois avis avant lui. Lui, il a étudié la masala et pour lui, il a compris un quatrième avis. Lakin, au départ, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a dit ce qawl. Lakin, ce qawl, il a un wajh. Dans la langue arabe, par rapport à ses fondements, il a akhri. Donc, Cheikh Moulislam Ibn Taymiyyah, il cite cet avis. Il dit, il y a un quatrième avis que je viens de découvrir, entre guillemets. Il le cite et il cite ses preuves. Thumma, il fait cette précision. Si personne avant moi a dit cet avis, délaissez-le. Limada, l'Anna, c'est pas possible que Wahad cite une vérité, un haq qu'il n'y avait pas avant lui. C'est impossible. Qala Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Din, il était kamel à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y aura pas un haq qu'il n'y avait pas à leur époque. Forcément, il y aura un imam qui a dit ce qawl. Lihada, l'imam Ibn Taymiyyah, kana yaqul ahada. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن الإجماع يكون على خلافه ومن ذلك قوله رحمه الله إن عدة المطلقة طلاقا بائنا حيضة واحدة لكنه قال إن كان قد قيل به يعني إن كان الإجماع على خلافه فإنه لا يقول به نعم مثلا cet avis sur le divorce تقدم معنا notre avis تذكرون يا quelques jours في شرح رياض الصالحين la masala Est-ce que, quand on revient du voyage, les deux rak'at que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il nous a conseillé, ou qu'il a fait plutôt, et dans un hadith il a ordonné, est-ce qu'elles sont obligatoires ou pas? Hadith Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, quand ils sont revenus min ghazwat Tabuk, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer chez lui, il a fait deux rak'at, et c'était son habitude. Quand il revenait de voyage, la première chose qu'il faisait, il allait au masjid alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait deux rak'at. Dans le hadith Jabir radiyallahu anhu, qu'on avait cité dans le charh, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont revenus de voyage, et Jabir il est venu après eux, et quand il est venu voir An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, amarahu, il lui a ordonné de rentrer au masjid et de faire deux rak'at. Jabir radiyallahu anhu, il a fait ces deux rak'at. Al-ulama, ils ont dit que ces deux rak'at, c'est min bab l'istihbab, c'est recommandé. Cheikh al-Albani rahmatullah alayhi, quand il a cité al-hadith, قال ظاهر الامر en apparence ce amr c'est pour l'obligation. خاصه رحمه الله il a démontré ou pour lui il y a pas quelque chose qui contredit هذا الاصل et la base comme on a vu ensemble c'est qu'un ordre c'est obligatoire. Le Nabi sallam il a ordonné ces deux rak'at donc c'est obligatoire. هكذا قال شيخ الالباني ثم il a fait ce qayd. Il a dit لكن si personne a dit هذا القول Et Houa, il a informé Annahu, pour lui, il n'a pas trouvé quelqu'un qui a dit Hadar Qawl, et il a démontré qu'on ne prend pas sa parole. Thumma, il a dit, si vous trouvez un imam qui m'a précédé, min a'immati sunnah, qui dit que ces deux rak'at sont obligatoires, c'est mon avis. C'est exactement la même parole que l'imam Ibn Taymiyyah. L'imam, là, c'est la même parole. Lianna, l'imam al-Albani, rahimahullah, kadhalik, il faisait partie de kibar al-mujtahidin à notre époque. Amma, ceux qui prétendent Annahu, ce n'était pas un faqif, c'est des juhal. وإلا هذا الإمام c'est un muhaddith bien sûr بل c'était la référence في هذا العلم علم الحديث رحمة الله عليه et كذلك c'était من كبار الفقهاء لماذا لأن الفقه s'est fondé sur le hadith Et hadha l'imam, il maîtrisait ilm al-usul, il maîtrisait bien sûr ilm al-hadith, il maîtrisait la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala fataha alayhi. Al-hadar de ce genre de shubha. Ce genre de shubha, non, c'était pas un faqih. Ça, c'est un kalam farigh. Fa rahmatullah alayhi, vu que il avait hadha al-ilm al-tayyib, il a dit la même parole que l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Fa ala kulli hal, on a essayé de vous clarifier hadha al-amr. Et inshallah ta'ala, c'est clair. Donc, à la kulli hal, de bien faire attention de ne pas khalif un ijma'. Ou l'ulama, alhamdoulilah, ils ont rassemblé des livres fil ijma', que ce soit dans le fiqh. Il y a des mawsu'at qui ont été imprimés, des encyclopédies en plusieurs volumes fil al-ijma'. Et ce genre de livre, c'est très très important. Et pour savoir est-ce qu'il y a ijma' dans tel sujet. Kadhalik, il y a des livres sur ijma' al-a'imma al-arba'a. Il y a des livres sur ijma' tel école. Al-muhim, ce genre de livre, c'est important. Hatta الطالب يخالف با الإجماع أي لونانيميتي. ثم قال رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. وهذا تقدم أي دي أدلة عامة دي أدلة خاصة دي أدلة مطلقة دي أدلة مقيدة طول أبواب كنا فيه précédemment. Al-an, c'est la généralité. Al-khas, c'est spécifier cette généralité. Enfin, peut-être qu'un verset du Coran, il est am. Ou un hadith, il est am. Enfin, on fait attention de ne pas croire que toutes les masa'il, elles sont fondées sur cet argument. L'imad al peut-être qu'il y a un délil qui spécifie une sourah. Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité un mithal. Et on en avait cité. Fibab al-am ou al-khas. Rompama, il a cité le même. Na'am qala. مثال ذلك رجل قرأ الحديث فيما سقط السماء العشر إلى آخره. قال شيخ ابن عثيمين قوله فيما سقط السماء يعم القليل والكثير. أي هذا سانغلوب que ça soit peu ou beaucoup. قال ويعم كل جنس كذلك سانغلوب tout ce qui est arrosé, tout ce qui sort من الأرض. Donc واحد يبقى dire كما قال شيخ العثيمين فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الأرض من أي نوع كان وبأي قدر كان. واحد يبقى فيغ se baser sur cette généralité et dire tout ce qui sort de la terre quel que soit le nombre ou le genre مثلا que ça soit un fruit, que ça soit un légume, que ça soit, on doit sortir le zakat. هذا si se base que sur ce hadith, نعم, il peut dire cela لأن الحديث il est عام, il est général. قال شيخ العثيمين وهذا خطأ لأنه لا بد أن يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد. إيه لا سيتي قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. Ça, ça nous montre le nombre. En dessous de خمسة أوسق, il n'y a pas de صدقة. Il n'y a pas de زكاة. Ça, ça nous montre que la généralité, elle a été spécifiée. ثم, le genre, كذلك, il y a certaines choses, on doit sortir زكاة, d'autres choses, on ne doit pas sortir زكاة. هذا, ça nous montre à ne pas se précipiter. بعض الناس بسبب قلة العلم ils ont pas beaucoup de علم et ils font pas assez d'efforts pour comprendre هذا العلم, ils se précipitent. Un délil, et le délil il est clair en apparence, لكن vu qu'il connaît pas هذه العلوم أنه il peut être spécifié par autre chose, il peut être mansour, il peut être mu'al, il peut avoir un ضعف en apparence ou une partie du hadith elle peut être ضعيف. الأئمة ils ont montré que ce mot il est ضعيف malgré que le hadith il est sahih. Ça arrive, هذا. L'afza min al-hadith dha'ifa. Vu qu'il ne connaît pas tout cela, il se précipite. C'est pour ça que, عند الجاهل, بعض المسائل, pour lui, elles sont très très simples. Il pense que c'est clair. فالهذا, quand tu lui montres qu'il y a khilaf, il est étonné. Tellement que pour lui, c'est clair. أما عند العالم, et celui qui fait des efforts fait l'ilm, il étudie le sujet, il sait que ce n'est pas aussi simple que ça. بل العلماء لهم أقوال المسألة فيها أدلة. Et Akhd Warad, Arubama, des livres, ils ont été écrits sur ce point. Tu prends Matalan, le sujet de Zakat al-Huli. Est-ce qu'il faut sortir la Zakat sur les bijoux? Matalan, le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim au début de la salat. Est-ce que tu dis à voix haute Amla? Des livres, ils ont été écrits. Il y a des Adillah, et il y a des Aqwal, beaucoup, et l'ulama, ils étudient ce genre de sujet. هذا العلم يحتاج إلى تعب. لا ينال هذا العلم براحة الجسد هكذا كان يقول الأئمة أو بعض الأئمة أن هذا العلم tu peux pas le comprendre en te reposant. Même une masala, tu dois tu dois faire des efforts. Même si elle est claire, tu dois faire des efforts pour la mémoriser, ou pour la comprendre, ou... Donc ce point, ce short, il est clair, le quatrième. Le cinquième, قال أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. نعم. هذا يرسمبل au short précédent. لكن tu as besoin pour reconnaître أن هذا العام أي الجنرال هذا الاسبيسيفيك هذا المطلق هذا المقيد et toutes les masailles qu'on a vues. Dans ce livre, tu as besoin de la langue arabe. Et tu as besoin de ce ilm. Dans la langue arabe, tu vas pouvoir savoir connaître l'alphab. Dans l'umum qu'on a étudié dans l'usul, on a étudié comment faire si tu as un dalil am et un dalil khas. Est-ce que tu fais passer ce dalil avant celui-là? Tous les chapitres qu'on a vus précédemment. La langue arabe, elle va te permettre de connaître l'alphab. Dans la langue arabe, tu vas pas apprendre comment est-ce que ce love dit passe avant celui-là. Là, ça c'est du usul. Là, la langue arabe, tu vas étudier l'alphabet. Et ulama al-usul, comme Ibn Uthaymeen, maintenant dans al-usul et dans le shar, il détaille bien sûr des masailles dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est lié. Al-muhim, tu as besoin de ces deux ulum. La langue arabe et usul al-fiqh. Et min huna yatabayyan anna les traductions doivent faire attention. Sortir un hukm d'une traduction, et autre que la langue arabe, ahyanan, ça n'a pas la même quoi que la langue arabe. Bel kathiran. Tu peux avoir une traduction et tu ne ressens pas la généralité. Ou at-tarsis, ou c'est pas assez clair. Falihada, al-mujtahidun, il faut qu'ils connaissent la langue arabe. Ou al-abud. Celui qui veut apprendre son din, avancer dans son din, comprendre son din et savourer hadha al-ilm, la-abud min al-lugha al-arabiyya. Les traductions, c'est utile au départ. Les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. Là-bas, celui qui ne comprend pas la langue arabe, il doit appliquer certaines choses. Il doit prononcer shahada, il doit la comprendre, il doit faire salat, il doit faire l'odo. Et on va pas attendre qu'il connaisse la langue arabe pour lui apprendre ces choses. Là, ces choses, c'est wajib. On lui apprend. Ou avec les signes, si on peut pas se comprendre et qu'il fasse salat, il a... Certaines choses, s'il ne peut pas, comme réciter le Fatiha, il ne peut pas au départ, il est ma'zour. Ça nous montre la facilité de notre dîn et ça nous montre que celui qui a du ilm, il pourra faciliter aux autres. Il ne sait pas prononcer le Fatiha. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas le choix, via Dalhal. Awalan, on le conseille de l'apprendre et au départ, il ne récite pas le Fatiha. Et il est ma'zour. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Ala kulli hal, les traductions au départ. Thumma l'insan, il fait des efforts. Amma des années et. L'insan, il s'accroche aux traductions et il achète des livres qu'en français, مثلاً, ou en anglais, ou dans une autre langue, et il ne fait pas d'efforts dans la langue arabe. Hada, c'est un taqsir. Et en général, ceux-là, ils peuvent tomber dans des fitnes. Ils peuvent tomber, bien sûr, dans le taqlid, suivre aveuglément. Donc, quand il y a une fitna, quand il y a un amr, azim, un khilaf, ils n'ont pas les outils pour comprendre. Les madal, ils sont obligés d'attendre les traductions. Donc si celui qui traduit choisit tel avis, ils seront restreints. Ils ne pourront pas étudier la mas'ala. Et Rubama, ils vont qallad, thumma. Ça provoque beaucoup de choses. L'insan yattaqillah. Il fait des efforts. Apprendre la langue arabe, ça fait partie de notre dîn. Et on a déjà conseillé nos frères kathiran dans notre dors en langue arabe. Apprendre la langue arabe, c'est pas qu'apprendre la grammaire. Là, la langue arabe, c'est un tout. C'est fondé sur des mots. Donc on doit apprendre du vocabulaire. C'est fondé sur des formulations de phrases. On doit apprendre à ta'bir, comment parler. Bien sûr, c'est fondé sur la grammaire. C'est fondé sur le sorf, sur la terminologie du mot. Le mot, il est fondé sur des lettres. Il y a des awzan, des constructions de mots précises. L'insan, il fait des efforts. Walou qalilan qalilan. Et la langue arabe, elle est très très facile à apprendre. Khassatan pour comprendre les mots, les textes de base. Au départ, c'est très très simple. Après, pour détailler, pour apprendre en profondeur, bien sûr, ça demande plus de temps. Mais au moins, au départ, on commence par le début. Pour apprendre, écoute beaucoup en langue arabe. Écoute Doros Ahlil Ilm. Ne t'appuie pas que sur les Doros autres que la langue arabe. Là, les douloureuses autres que la langue arabe, c'est pour t'aider, pour te faciliter, pour t'ouvrir une porte, bi-idhnillahi azza wa jal. Wa illa va. On doit revenir aux douloureuses de nos savants en langue arabe. C'est vide, akthar, tu vas profiter beaucoup plus. Tu vas profiter bien sûr dans le rythme, tu vas profiter dans le comportement, tu vas profiter dans la manière de faire, et tu vas profiter dans beaucoup de choses. C'est pour ça qu'ensemble, daiman, on essaye de faire français arabe. Même si on ne fait pas qu'en arabe, au moins on néglige pas la langue arabe et on profite. Chaque dars, peut-être que tu vas apprendre un mot. Et les mots, on essaye de répéter souvent les mêmes mots. C'est akif. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa as-sadat. Et on a fait le tanbih, la langue arabe, al-usul, on n'a pas besoin d'apprendre en profondeur hadhihi al-ulum et rentrer dans les détails et perdre notre temps fi hadha. Pardonne-nous, sinin, dans la langue arabe, des 10 ans, des 15 ans, ils ont un très haut niveau dans la langue arabe, on ne peut pas le nier. Mais ils ne connaissent pas leur aqid, ils ne connaissent pas le fiqh. Peut-être qu'il a la capacité de l'ijtihad dans la langue arabe, mais dans le fiqh, c'est un muqallid. Il va suivre tel madhhab, même si c'est une erreur. Et madhhab, il est occupé par autre chose. L'aqidah, il ne connaît pas. Rubama, il a des choubouhad de Ash'ari ou de Mu'tazili, ou même Yadri. Ah, c'est très très grave. Là, la langue arabe, c'est un outil. Quand cet outil est acquis, et alhamdoulilah, tu comprends les textes, fais des efforts pour étudier le Coran ou le Sunnah. Qala azza wa jal, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. On a été créé que pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et a'zam ibada, c'est le shahada, c'est le tawhid, c'est l'aqida. Après salat, etc. La dernière condition, an yakun indahu qudra. Et c'est ce qu'on a cité dans le ta'rif. Et là, pour pouvoir faire l'istinbat, il faut bien sûr pouvoir appliquer tous les shourouts précédents. Si tu as toutes les conditions précédentes, tu pourras faire l'istinbat. L'istinbat, c'est quoi? C'est t'astambit et tu fais sortir ou tu retires un hukm d'un texte. C'est ça l'istinbat. Maintenant, ce verset. Un verset parmi les versets du Coran al-Karim, et tu seras capable de dire c'est obligatoire telle chose parce que Allah subhanahu wa ta'ala qal kada, et tu pourras montrer pourquoi. Par exemple, dans le verset, il y a un amr. Aqimu salat. Aqimu salat, c'est un amr, c'est un ordre. Tu pourras dire que la salat elle est obligatoire parce que Allah qal aqimu. Et la base dans l'ordre, c'est l'obligation. C'est ça l'istinbat. Si tu comprends la langue arabe, si tu comprends ilm al-usul. Et bien sûr, ilm al-hadith, pour pouvoir distinguer entre les hadiths faibles et les hadiths authentiques, mais idnillahi azza wa jal, tu pourras faire hada al-istinbat. Et bien sûr, hada, c'est avec le temps. Tous ces shorot qu'on a cités, les insans, ils se précipitent pas. Annahu, il commence à comprendre, il commence à citer des ahkam là. Yana min tariqati ahli sunnah, c'est de revenir à ahlul ilm. Lakin, tu reviendras à ahlul ilm et tu comprendras. Et tu seras pas un muqallid. Et tu seras capable de délaisser l'avis de ce shir bi'ilm. En le respectant, en l'aimant fillah, lakin, tu pourras dire, là, hada l'avis, cet avis, pour moi, il y a un autre avis qui est plus fort. Et tu choisiras l'avis qui est plus fort et tu seras al ilm. Et tu seras mutma'in. Ind al-fitan bi'idnillahi azza wa jal. Bien sûr, si l'insan est sincère, il est véridique, il est munsif, il est juste, tu seras capable d'étudier les sujets sans prendre parti aveuglément. Sans prendre parti pour le monde, par rapport au nombre, sans prendre parti, yadam billah, à cause des passions, la jalousie. Je veux absolument faire tomber l'autre. Je veux absolument que tel groupe il a raison. Je veux absolument que tel shir il a raison. Ça, c'est min al-hawa. Al-haq, c'est al-haq. Celui qui a al-haq, on doit prendre le haq. Et là, chacun al-haq, il est inda al-sunna, inda al-salaviyin. Et là, chacun al-sunna, al-salaviyin, il a al-talafu, al-haq, il est wahid. Donc, on doit rechercher ce haq et le suivre. Et tant que l'insan c'est un sunni, il est à la sunna, il khilaf, il ne fait pas sortir de sunna, alhamdulillah, ça reste notre frère. Et si le khilaf c'est par rapport à une chose qui fait sortir de sunna, enfin on s'écarte de al-bid'a et de ahl al-bid'a wal ahwa. Qala rahimahullah, wal ijtihad qad yatajazza fa yakun fi bab wahid min abwab al-ilm ou fi mas'alatin min masa'il. Ça c'est un tanbih important. Anna al-mujtahid. C'est ce qu'on vient de détailler avec la définition et toutes ces conditions. Il peut être mujtahid dans un sujet, dans une matière. Et ça, c'est très très important. Ay wahed, il peut avoir fait beaucoup d'efforts, mathalen, dans ilm al-lura, dans la langue arabe. Ou dans al-tajwid, ou dans le qira'at, dans le Coran. les différentes lectures, ou les règles de tajwid, ou la langue arabe. Mouhim, dans une matière. Fahada yustafadu min. Dans ce point, bien sûr, tant que ce n'est pas un égaré, il a akhri. Il y en a les égarés avec leur matière qu'ils maîtrisent, ils peuvent, ayyadun billah, mettre des choubouhats à leurs élèves. Nous, on parle à Inda Ahl Sunnah. Tu peux profiter de lui dans ce bœuf. Maintenant, tu as un problème de tajwid, tu lui demandes. Est-ce qu'on prononce comme ça? Est-ce qu'on prononce comme ça? Tu as un problème en langue arabe, tu lui demandes. Il maîtrise ce sujet. Dans les autres domaines, on n'a pas à revenir à lui. Il en a chacun son domaine. Et cette erreur, elle est très très répandue. Inda al-ikhwa. Ou ba'dihim, bien sûr. Ba'di voit que wahed, c'est un imam, ou il lit bien, ou il est fort en la langue arabe, ça devient une référence. Du jour au lendemain, il fait des fatwas. Ou il n'arrive pas à se maîtriser. Et hum, il l'élève au-dessus de son rang. Et kadalik, c'est une source de fitan. C'est une source de khilaf, c'est une source de division. L'imam, il n'a pas les capacités. Obama, il va dire des aqwal, il va khalif al-haq. Et un savant, il va parler, il va dire la vérité. Et les gens, ils vont délaisser la vie du savant, ils vont prendre la vie de had. Et ça arrive, les asaf. Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans son sharh, qala. Est-ce qu'il a cité شيء في هذا؟ نعم. قال يعني page 679. Page 679 de son شرح رحمه الله. قال يعني أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم أو في باب معين من أبواب العلم ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. ومثاله. Donc l'exemple. قال لو أن رجلا أراد أن يحقق مسألة من المسائل. Ça arrive souvent, هذا. Un talib, من الطلاب, il veut حقق une مسألة. Maintenant, il fait une recherche dans un sujet précis. Et il va prendre beaucoup de temps. Probablement, il va écrire un livre dans ce point, dans ce sujet. قال الشيخ ابن عثيمين كالمسح على الخفين مثلا. Il a cité cet exemple. المسح على الخفين. Le fait d'essuyer sur ses chaussettes, sur ses خفين. C'est une مسألة في الطهارة. Un sujet qui est lié à la purification. مثلاً قال وصار يراجع كلام العلماء ويراجع الأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال ويستطيع أن يفند الضعيف. Tellement qu'il a pris du temps sur ce sujet ou dans ce sujet et il a rassemblé أقوال أهل العلم. Il a étudié les versets du Coran. Il a étudié les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Il est revenu à كتب التفسير. Il est revenu à شروحات أهل العلم. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il a dit fil Fath. Al-Imam al-Nawawi, il a dit fil Sharh Muslim. Al-Imam al-Qudama, il a dit fil Mughni. Cheikh al-Islam, il a dit fil Al-Fatawa. Wa hakada. Des références. Aqwal al-A'immat al-Malikiya, aqwal al-Hanabila, aqwal al-Shafi'iya, aqwal al-Ahnaf. Donc, il maîtrise le sujet. Peut-être qu'il peut sortir un livre. Et c'est le cas. Ba'd talabat al-ilm, ba'd al-Mashayikh. Ils ont des livres dans certains points. Ils peuvent répondre dans ce sujet. Lakin, dans d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, on fait attention de ne pas élever la chasse au-dessus de son rang et on lui pose des questions dans tout. Et ça devient une référence dans tout. Alors que, ouais, il maîtrise ce sujet. Si tu le fais sortir de ce sujet, il ne maîtrise pas comme il maîtrise ce sujet. Il a donné du temps à ce sujet. Et c'est cela, ya ikhwan, la différence entre Ahlul Ilm, Al-Kibar, Al-Mujtahidin, comme Al-Imam ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, comme Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, avant lui, comme Al-Imam Ahmed, Al-Imam Malik, avant eux. Ha'oula, annahum, c'était des Mujtahidoun dans la plupart des sciences. Cheikh ibn Uthaymin, rahimahullah, vous avez remarqué qu'il est qawi dans la langue arabe. Il était qawi plutôt dans la langue arabe, rahmatullah alayhi. Il était qawi dans Al-Usul. أما العقيدة الفقه التوحيد فستي من أئمة هذا العصر et dans la plupart des matières رحمة الله عليه علم الحديث il était قوي contrairement à ce que certains y pensent. Il a une explication على البيقونية, il a une explication على نزهة النظر et d'autres livres. Et tu vois qu'il a de la قوة في هذا الباب même si c'était pas son sa matière spécifique رحمة الله عليه. لماذا؟ لأنه c'était un Mujtahid, min al-mujtahidin. Donc, dans ces fatawas, tu vois qu'il répond dans le fiqh, il répond dans l'usul, il répond dans la langue arabe, Ils répondent dans le manhaj, dans l'aqida, rahmatullah alayh. Donc, a'immatu al-ilm, ils ont cette capacité. Un talib ilm, qui soit mutamakkin, si il est mutakhassis dans une matière, matalan, c'est un talib ilm, et c'est un mudarris qawi dans la langue arabe, ou dans le mustalah. Il est connu pour ce fun, on fait attention de ne pas l'élever au-dessus de son rang et revenir dans toutes les masailles, khassatan al-nawazil. Et le monsieur va délaisser l'ulama. Là, on a une autre chose qui se passe. الطالب, même s'il a du khayr, on l'aime fillah azawajal et on doit le respecter, etc. Lakin, pourquoi délaisser quoi l'ilm? C'est ça le mushkil al-an. Il n'y aurait que lui. Il n'y aurait plus de savants. Il n'y aurait que lui. Ah, ça serait une autre question. On verrait comment faire. Peut-être lui demander qu'il fasse des recherches et on attend sa réponse et huwa yaltaqillah hatta il trouve. Ça, c'est un autre sujet. Lakin, ulama mawjoudoun. Pourquoi? Et encore une chose, on peut rajouter, ce talib ilm lui-même, s'il est à la haqq, il est à la khayr, lui-même il te dira, demande au savant. Lui-même il ne veut pas que tu lui demandes. Lui-même il ne veut pas que tu prennes ses aqwal. Enfin, pardonne-la, tu te demandes, c'est quoi leur but, c'est quoi leur objectif après tout cela. Enfin, ça nous montre, hadha al-kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen, a chaque chose à sa place. Celui qui est qawi dans la langue arabe, prend des cours vers lui dans la langue arabe. Wallahi, c'est ton frère à la sunna, il maîtrise la langue arabe. Peut-être qu'il a été dans une école, il a étudié la langue arabe, il maîtrise ce sujet, alhamdoulilah. Il n'a pas étudié l'aqida, il n'a pas étudié le fiqh. On ne va pas aller lui demander ou étudier une chose qu'il ne possède pas. Non. Et on fait attention de ne pas être une fitna pour lui. Le pousser à insister, Obama, il rentre dans une chose qu'il ne maîtrise pas, il se fait du mal et il fait du mal aux autres. Hadha al-kalam, cette remarque qu'il a citée à la fin, elle est très très importante. On la répète, wal ijtihad. Qad yatajazza. Yatajazza et l'ijtihad. Tu peux être mujtahid dans une partie et ne pas l'être dans une autre. On a cité l'exemple de la langue arabe. C'est une matière parmi les matières. قال فيكون في باب واحد أي dans une matière من أبواب العلم أو في مسألة من المسائل. بل ça peut être dans une mas'ala, c'est même pas une matière. Maintenant cet exemple qu'il a cité chez Ibn Uthaymeen. Cette personne, elle peut comprendre, elle peut parler, elle peut rajah dans le bab mas'al al-khuffain. أي un sujet du fiqh, faqat. Si tu parles avec lui de divorce, de talaq, ou de salah, ou d'héritage, peut-être qu'il ne pourra pas parler. Il n'a pas étudié. Il a étudié ce sujet en détail. Contrairement à Ahlul Ilm. Et si tu veux un exemple, lis Sharh Zad al-Mustaqni', Sharh al-Mumti' de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et tu vas voir c'est quoi un mujtahid bi ma'na al-kalima. Du début à la fin du livre, tous les sujets, rahmatullah alayhi, des définitions, des exemples. Et l'adib, c'est que c'est des audios à la base. Donc tout ce qu'il a dit, l'un, c'était son livre, c'était min dhakiratihi, rahmatullah alayhi. Et là, chacun a certaines masailles, il a raji avant le torse, lakin ça montre sa quwa, rahmatullah alayhi. On a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, kathiran, limada, li'annahu, c'est l'auteur de notre risala qu'on étudie ensemble. Wa illa fa ahlul ilm, wa lillahi alhamd, à notre époque, ils sont kathir. Et ils sont à la khayr. قال رحمه الله ما يلزم المجتهد يلزم. Après avoir cité les conditions, il a cité ما يلزم المجتهد. Et qu'est-ce que ce مجتهد doit faire? قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له فإن أصاب فله أجرا. المجتهد donc il doit avoir cette niya. Donc il a la capacité, il a les conditions. Ça c'est les outils. Et Kadalik, il doit avoir cette intention. Le but de trouver le haq, c'est pas de faire tomber un tel. Le but de trouver le haq, c'est pas de se montrer. Le but de trouver le haq, c'est pas d'essayer de compliquer les choses et de détailler pour montrer qu'on connaît. C'est pas ça le but. Le but, c'est de faire parvenir ce haq à la umma, à la communauté, de leur montrer cette vérité. Qala, fa'in asab falahu ajran. S'il fait cet effort et il trouve la réponse, il a deux récompenses. قال أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق. Il a une récompense parce qu'il a fait un effort. Peut-être qu'il a passé un jour, deux jours, trois jours à étudier, à faire des recherches. Il est récompensé. Et كذلك il a une récompense parce qu'il a trouvé le حق. Il a trouvé la vérité. قال لأن في إصابة الحق إظهارا له عملا به. Et كذلك il aura la récompense de tous ceux qui mettent en application هذا الحق كما جاء في الحديث. نعم. الدال على الخير كفاعله قال وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور لا si se trompe هذا المجتهد il a qu'une récompense une récompense. Pourquoi? Parce qu'il a fait un effort. Et l'erreur, elle lui est pardonnée. Non, il n'est pas récompensé pour son erreur, il est récompensé pour son effort. Donc il a une récompense et l'erreur, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Les malades, et Anas, son but, c'était la vérité. Qala, li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, idha hakama al-hakim fashtahada thumma asab falahu ajran, wa idha hakama fashtahada thumma akhta'a falahu ajr, wa in lam yudhhir lahu al-hukm wajaba alayhi at-tawaqquf wa jaza at-taqlid hina idhin lid-dharura. Thumma, après avoir cité الحديث الحديث كما في الحاشية في صحيح البخاري في صحيح مسلم وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف. Si après هذا الاجتهاد cette recherche il n'arrive pas à trouver الحكم, مثلا il y a un immense خلاف بين أهل العلم, il y a beaucoup de preuves et il a fait un effort, ثم عجز, ثم il arrive à un moment il ne peut plus, il n'arrive pas à trouver, فيتوقف, il dit الله أعلم. Et forcément un autre imam, un autre savant, il nous montrera al-haq. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. Obligé, le haq, il est dans un endroit. Il est عند الشخص, il est dans un pays, il est dans un livre. لابد. لكن, une personne, elle peut ne pas trouver هذا الحق. Donc, هذا المجتهد يجب عليه أن يتوقف. Il doit s'arrêter. لماذا؟ لأن s'il ne s'arrête pas, il va parler بلا علم. Ne pas confondre avec l'erreur précédemment citée. L'erreur précédemment, il pense que c'est le haq et il se trompe. Fi hadha al-hal, c'est un mujtahid, il a parlé, il s'est trompé. Lakin huwa, quand il s'est trompé, il pensait que c'était le haq. Ce cas, c'est s'il sait que lui-même, il ne sait pas, il ne sait pas al-haq. Donc, il n'a pas le droit de parler fi hadha al-hal. Donc, bien différencier les deux cas. Wajab alayhi at-tawakkuf. Fi hadha al-hal, il s'arrête et il dit Allahu a'lam, wa kadhalik yuhil ila ghayrih. Yuhil ila ghayrih. Si quelqu'un lui a posé la question, il les envoie vers un autre. Il les dirige vers un autre. قال وجاز التقليد حينئذ للضرورة. Et dans ce cas, il peut faire taqlid. Et c'est notre prochain cours, inshallah ta'ala. تنبيه. Une dernière remarque. أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هذا c'est pour المجتهد. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم. Ça c'est pour المجتهد من أهل العلم. S'il se trompe, il a une récompense. Si il a le haq, il a la vérité, il a deux récompenses. أما الجاهل المقلد comme on va voir بإذن الله عز وجل dans le dors précédent, s'il parle et il se trompe, il est athim. Pourquoi? Parce qu'il a parlé sans ilm. Et il n'a pas le niveau. Il est rentré dans une chose qu'il ne maîtrise pas. Min husni islam il mar, tarkuhu ma la ya'ni. Hakada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala azza wa jalla, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Na'am. Donc tout ça, ça nous montre un al-jahil al-muqallid, il n'a pas le droit de parler. Huwa. Aslan, il n'a pas le droit de citer des ahkam. Huwa, il demande. Ahl al-ilm, il prend le haq. Donc bien différencier entre al-mufti et al-mustafti. Enfin, huna, c'est pour le mufti, le chapitre précédent qu'on a vu. Celui qui fait le fatwa, al-mujtahid. Hada na'am. Amthal Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et d'autres, bien sûr, parmi les savants de la sunna. Haoula na'am. Amma, on ouvre la porte et wahid, il pense, il parle. Et s'il s'est trompé, il se base sur ce hadith. Je me suis trompé, j'ai un ajr, j'ai fait un effort. Là, c'est pas un effort, hada, c'est le hawa, c'est les passions. On fait attention. Et on a déjà lu. مع بعض الإخوة كلام الإمام الشوكاني رحمه الله حول هذا إلى كلام طيب أي مونتر أن المقلد لآثم غير كذلك الإمام الشوكاني دوتر كلمة الإمام الشوكاني زو مونتر هذا لماذا؟ لأن المقلد كما بابور إن شاء الله dans notre درس suivant c'est pas un عالم بالإجماع c'est pas un savant selon l'unanimité des savants c'est un مقلد c'est un ignorant la preuve c'est qu'il suit aveuglément هذا il suit. Amma, le fait de faire des fatwas, il se trompe et il pense qu'il a une récompense. Fahada abadan. Naktafi bihada. Et on passe à notre dars suivant. Walillahilhamd. Aïe, le chapitre suivant, at-taqlid.